Bienvenue encore une fois sur Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. C'est Nuisance, Nuisance, l'émission qui nuit au sens, l'émission de toutes les nuisances qui entame sa je ne sais combien de émission, le 6 février, vendredi donc le 6 février 2015. Oui, je sais. This sound is coming. nuisance, si vous n'avez pas remarqué, c'est une émission bruitiste, bruitiste comme le bruit, donc à caractère bruyant. Si vous n'aimez pas le bruit, eh bien, écoutez quand même, ça vous fera peut-être les pieds. Ensuite, Nuisance ne souhaite vexer personne, ni Canal Sud, la radio qui l'héberge, grâce à ses bons soins, je veux dire du producteur qui est gentil avec eux. Vous voyez ce que je veux J'ai dire cru que c'était un attentat islamiste. Non, c'est une anatomie de l'analgésique. Une anatomie de l'analgésique. Et je vous dis, moi tout de suite, l'analgésique pas. Vous voyez ce que je veux dire ?

la prochaine, je travaille sur ma toile, quoi. Ce bref intermède musical, un peu de bruit. La sur Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. Bienvenue, bienvenue, car c'est Nuisance, Nuisance, Nuisance, l'émission qui nuit au sens, l'émission de toutes les nuisances, pour vous ce soir, comme tous les vendredis soirs, de 21h à 23h. Chosen out of the pick, now or never, it's full of it, shit. So answering gives away truth, the old, never spending, always sacrificing, alongside the hammers, alongside the jamming for never ending stinging. So where's the answer to monkeying about? Spying on oneself, striving against the side of the clouds and the sticky water currents. Where's to this? That's the answer. No mattering for structure. And this is where the laying's at, and this forgotten foreclosure of an act, never ending and never forgetting, it's gone. C'est en voyant que l'on est voyant, c'est en étant qu'on est être. Le loin est une facticité, mourir est la seule bonne et vraie solution. Le fion se meurt, le fion se dessèche, la merde et le cul qui pue, crever les abcès, puis la relance se crève, le suppositoire, la purulence pestilentielle se dissout, bien que la merde ne dissolve pas les inazures, mourir c'est bon, alors que de crever l'abscons territoire, pourrir à la fin. La dissolution recherchée évanouit la splendeur, la lenteur et vertu, si utilisée pour l'acmé du plaisir. Et ce ne perturbe pas. Et ce ne perturbe pas. Et ce ne perturbe pas. Et ce ne perturbe pas. The ever winter night colliding away in rummaging structuralities, deficiencies, death, the wholesome shadow covered in cummingism up the ass, the ever single time down, the trap load of events of fractural iniquities. Trou du cul, sphincter dilaté, boursouflure, endolori par les escapades dorées, la sexualité crevée, encore le territoire, la guerre crève. Intangiblement, long d'araignée, fion, toile, un espoir, comme une azur, comme une non bleutée, toi, l'azur sur le doré, une le chion. Chion, nous, sur deux par nous, la limitativité des mots ne corresponde pas sans inexactitude vers et de par l'inattitude. Le bonheur, le bon heure. Coulissant mécanisme, coulant, flottant, courant le long de moi. Je n'ai pas, je n'être pas, car je ne suis pas l'affaire en et de par la justesse d'inaveu bleuté ou verdâtre comme marée, cage, marron, merde, puante. La vie. Conditionné, la mort est belle, c'est comme ça. C'est en voyant que l'on est voyant, c'est en étant qu'on est être. Le loin est une facticité, mourir est la seule bonne et vraie soluce. Le fion se meurt, le fion se dessèche, la merde et le cul qui pue, crever les abcès, puis la relance se crève, le suppositoire, la purulence pestilentielle se dissout, bien que la merde ne dissolve pas les inazures, mourir c'est bon, alors que de crever l'abscons territoire, pourrir. À la fin, la dissolution recherchée évanouit la splendeur, la lenteur et vertu utilisée pour l'acmé du plaisir, et ce ne perturbe pas. Et ce ne perturbe pas. Ce ne perturbe pas. We'll be right back. nonsense that quits me on. It quits me on the beach of limiting. Limiting the outmost, uttermost disjunctions. These, those are the ones I'm talking about. These things, they don't mean shit. They don't mean crappy shit. That's what it's all about. Mais là, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Et nous, on est mieux que vous parce qu'on s'en fout et on gagne. Et ouais, on a gagné parce que vous, tu vois ce que je veux dire. Eh ben, vous êtes moins bien que nous. C'est vrai, t'as trop raison, je t'aime. Je t'aime, je m'aime tellement. Merci. Le délire du surmoi revient encore à se dire la même vieille rengaine, exacerbée, souffrante de peur, de crainte de vivre. Mais pourtant ce. Tout cela sont à identité souffreteuse. Nous allons tous mourir. Le développement nous attend de nous atteindre. La mort cherche les chercheurs de la mort. La vie placable pardonne tous les temps. C'est juste pour parler, putain. C'est un scorpion, c'est dégueu, l'horreur horrible, situation, mourir, ça fait quoi? Croire que c'est fini. Croire que c'est fini. Fais chier. Yop là, changement de côté, trippé. It's over, done, going on. Won't not suffice. Killing oneself one more time. Death, finally. Not only free, but good enough for me. Shit, where is it? Why won't we down the whole goddamn matter? Not enough to die for, spot them. See them down on the way. Ouais. C'est clair. C'est clair. Ouais. C'est nous. J'ai rien dit. J'abandonne. Le reste, c'est moi. J'ai fini. Je dis plus rien maintenant. Parce que j'ai compris. J'ai compris. T'as compris? Non, je n'ai pas compris. Dis-moi pas ce que je veux entendre. Je ne comprends rien. Dis-moi pas ce que je veux entendre. Je ne te dirai pas. Dis-moi pas ce que je veux entendre. je ne dirai pas. Pa. Dis-moi. Dis-moi, toi, là-bas. Non, cadavre. Le cadavre purulent. Tu ne fais pas l'ombre d'un doute que la mesure ne se défasse pas dans la non-activité. Blessure. Un gain de blessure. La non-activité est un gain de blessure depuis quand ? T'es con ou quoi ? Fais rien, sois heureux, connard. Ferme ta grande gueule, bâtard. Ta merde, elle pue le cul. Et ça, tu sais. Avant de dire ça, il faudrait peut-être citer les phonèmes. A, E, I, O, U. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Les phonèmes. Les phonèmes en M. Ah, oh, j'aime le. Oh, le phonème en N. Je haine le. Oh, je haine le. Les phonèmes en P. En P. Gets me on, gets me turned on, I mean, I turn on about nothing, nothing seems to quit my ass, and the every single fucking foot I put up my damn neck, it's twisting against side, the wrong side of the matter, the matters are not factual, evidently, I mean, you know, you gotta know, you gotta, just gotta, yeah, you know what I mean. It's not like I'm saying anything, am I? Right? Right? C'est vrai, non? C'est pas comme si je disais quelque chose, quoi. C'est plutôt que je me disais quelque chose. Alors, au final, je fais du mal à personne. Hein? Dis-le-moi. Je t'aime. Là-bas, tu m'entends, mec? Ah, c'est Canal Sud. C'est Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. T'entends, mec? Meuf, vous entendez? Vous entendez là-bas, debout? Hein? C'est Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. Nuisance. aux sortes de gens qui mettent des doigts dans les culs. Un anus parfois bien pointé, parfois bien en évidence, mais pas forcément un anus qui est dans le demande. Alors certes, une pénétration anale peut se trouver dans la tendance, mais il ne faut pas oublier que tous les culs ne sont pas en pleine. Je sais pas, vous voyez ? Lorsqu'on voit un cul, on peut pas forcément le prendre votre temps, en fait. Je sais pas comment dire de manière sincère, honnête, sans insulter les gens, mais. Un cul, on peut pas le prendre votre temps, forcément. Je sais pas, parce que même si, quand bien même il est dilaté, on peut pas le pénétrer, forcément. Il faut bien réfléchir à ce qu'on met dans un anus. Même si un doigt est bien propre, bien lavé, on peut pas le pénétrer, genre, c'est le profaner. On ne peut pas profaner les anus, ce n'est pas possible. Il faut quand même se rendre à l'évidence que genre un cul, même si tendu, mérite son dû, on peut pas forcément lui donner ce qu'il aurait mérité. Mais bon, chacun son avis. Un anus tendu ne mérite pas forcément son dû, mais si l'occasion s'en présente, on pourrait peut-être devenir peut-être mériter quand même son dû. Donc, nous allons recevoir une invitée. Je vous présente Irka Beko et ainsi qu'un deuxième invité, sur le Boulinette, sur 92.2 Canal Sud. Donc, sur le Boulinette, notre ami qui vient du Nord aurait peut-être un message à faire parvenir. Alors, monsieur Boulinette, auriez-vous un message à faire parvenir à nos auditeurs ? Mais si, votre nom c'est bien Boulinette. Ah, on m'aurait menti, alors je n'ai pas la bonne fiche. Ah, c'est peut-être l'invité de demain. Pardon ? world. Fuck it. Don't mean shit. Don't mean it. Il est 22h. Et on comprend ce que 22h40. Ouais, c'est ça, 22h40 en plus. Et on comprend ce que je dis. That's what it's all about. Work. Gotta work for it. Gotta work, damn boy. Say yes, sir. Yes, sir. Say yes, sir, damn boy. You gotta work for it. You gotta work for it. That's what it's all about. You gotta work for it, damn boy. Damn boy. You gotta work for it. Say it, say it, say yes, sir. Yes, sir. Sur Canal Sud, 92.2 FM ou Canal Sud.net, c'est une nuisance. Nuisance, l'émission qui nous sens, l'émission de toutes les nuisances. Excusez-moi, je vais fumer une cigarette dehors parce que je dois interrompre l'émission là parce que c'est interdit de fumer ici. Donc je vais fumer une cigarette dehors. Je reviens dans à peu près 7 minutes. Je vais vous mettre du disque de merde, genre Chantal Goya ou une connerie comme ça au ralenti pour bien vous faire chier. Voilà. Je vous préviens tout de suite, ce sera du Chantal Goya au ralenti ou accéléré peut-être. Peut-être pas, je veux dire. Voilà, mais c'est sûr. Je le ralentis maintenant. Ça, c'est du Chantal Goya au ralenti. veut, c'est du beat. Eh ben non. Il n'y a pas de beat ce soir. Parce que Nuisance, c'est l'émission qui nuit. Tôt. Sens. L'émission de toutes les nuisances. Sur Canal Sud, 92.2 FM ou canalsud.net, le www.devant. Téléphone le 05 61 53 36 95, adresse le 43 du 31 400 Toulouse, France. Vous êtes les malvenus.